Bon, c'est parti. J'attends que les gens se connectent. 11h, on va démarrer avec un interview d'une artiste qui s'appelle Laetitia Gasquet. Elle est auteur-compositeur et on va l'appeler à 11h pile pendant 5-6 minutes. On sera avec elle au téléphone. On écoutera 2-3 extraits de son EP. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est bien pour démarrer, non? Salut, ça va les zinzins? Voilà, donc restez bien connectés parce que là on va avoir un interview téléphonique là pendant 5-6 minutes à 11h. Ça va être Laetitia Gasquet, auteur, compositeur, interprète, voilà. Et dans la musique depuis quelques années, on va l'appeler là dans 3 minutes. Voilà, je me suis dit en début de live pour bien démarrer, ça peut être sympa. Tout le monde va bien? Salut Olivier, salut Chris, ça va Seb? Voilà. J'attends que tout le monde se connecte, la famille des zinzins. Ça me fait du bien. Ah, c'est rigolo parce qu'il y en a qui se connectent et qui se déconnectent. Ça va les zinzins? Salut Christine, salut Joe. Voilà, on attend que la connexion se fasse. Ouais, bah vous avez vu, on est reparti pour un mois. Hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Salut Joe! Ah, j'entends des mails qui arrivent là. Ça, c'est mes mails. Ouais, tout le monde va bien. Vous avez ce qu'a dit Macron hein, le 11. Enfin, nous, les restos, les boîtes, les hôtels, les bars, ça va pas être pour tout de suite, hein, je peux vous le dire. Hein. Ouais. Il va falloir être patient. Donc, elle s'appelle Laetitia Gasquet. Elle est auteur, compositeur, interprète. Voilà, elle fait de la musique. Elle fait de la musique. Elle est sympa. On va l'appeler tout de suite d'ailleurs. Tiens, j'avais dit 11h. Je m'avais dit 11h. Voilà, il est quoi? Ouais, il est 57. Allez, c'est parti. Ça numérote. Allô? Ouais, ça sonne. Là, c'est le bon numéro. Allô? Allô, Laetitia? Ah non, c'est pas Laetitia, c'est la femme de Karl. Ah, c'est Nora, excuse-moi alors. Je vais refaire le numéro. Bisous, Bisous. bisous. Ouais, je me suis bourré de numéro, ça arrive. Ah ouais. En fait, c'est pas ce numéro 06. Ah ouais, c'est celui-là, d'accord. Voilà, c'est pas grave. On y retourne. Ça va les zinzins, tout le monde va bien? Oui. Allô Laetitia? Salut Franck. Ça va bien? Oui et toi? Ouais, je me suis gouré de numéro. J'ai appelé une autre auditrice. Ah, il y a D'accord, super. tellement de numéros enregistrés. Comment tu vas bien, Laetitia? Va bien et toi? Ouais, je voulais te présenter aux auditeurs qui nous regardent là. D'accord. Donc, Ticia, hein, Laetitia, donc Ticia. Exactement, Ticia. Voilà, Laetitia Gasquet. Voilà, Alors non, plus Ticia. voilà, plus Ticia. Mais le nom de scène, c'est quoi le nom de scène alors? Ticia. Ticia, d'accord, ok. Alors, toi, tu étais bien à la radio il y a déjà quelques années, 2-3 ans peut-être, hein. Ça passe, hein. Ah oui, hein, facilement, ouais, ça passe Ah vite. ouais, facile, hein. Tu étais venu nous parler de ce que tu avais fait pendant ta carrière. Tu as commencé comment ta carrière, toi? Ah bah il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà, donc tu vas nous vieillir aujourd'hui. C'est ça. Une dizaine d'années, bah, j'ai commencé par des reprises au départ. Ouais. Ce qui m'a permis de faire quelques castings en région parisienne et sur Paris, puisque je suis de la région parisienne. Ouais. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai pu en faire également en province. Et puis, au gré des rencontres, j'ai fait un premier album en 2011. 2011, ouais.

va revenir, mais pas tout de suite. Hein. Ça va être long pour nous. Hein. Et on est là, la famille. You could really want me, you could really need me.

après-midi à Jarba. Putain, les mots. Allez mon ami Antoine, 9 degrés chez toi Antoine. Arrête de me faire baver. Ah ouais, je fais baver Karl. Nothing you can compare to your neighbor. Facebook. faut arrêter quand même. You got to live your life. De 11h jusqu'à midi avec on aura quelques routiers au téléphone demain, voilà, on pense à eux, je pense aussi à vous très fort, merci la famille, restez bloqués chez vous, hein, c'est important, hein, on est des dingues. Salut la famille.